Si on est là ce soir, c'est parce que cette joie lumineuse va nous manquer. Nous aurons l'occasion, bien sûr, donc de parler de ce qu'il était pour chacun de nous. Comme nous sommes nombreux à partager un témoignage ou un chant, je vous demanderai, dans la mesure du possible, et je vais essayer d'appliquer cette règle pour moi-même, d'être bref et de vous en tenir à 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, si c'est nécessaire. Je sais qu'on pourrait encore une fois parler tous pendant des heures de Béranger. Je veux souhaiter la bienvenue à sa famille, à ses amis, sa famille qui vient de Belgique, d'Allemagne, de Suède, des parents qui sont aussi dans la région. On a malheureusement encore une tante qui est en route, mais on a décidé de commencer, et sans plus tarder, donc je vous souhaite la bienvenue au nom de cette famille. Nous présentons à la famille toutes nos condoléances, et vous allez voir par les témoignages qui vont avoir lieu que c'est pas des paroles de circonstance, c'est quelque chose qui vient du cœur. On va demander, si vous le voulez bien, à la chorale de venir nous interpréter un chant traditionnel d'Afrique du Sud. Donc, si vous voulez bien venir ici, merci. Je m'appelle Théodore Tally et comme beaucoup d'étudiants présents ici, les étudiants que vous avez eus à la chorale et d'autres ici assis autour de vous, j'ai eu le privilège de faire la connaissance de Béranger à travers les GBU, les groupes bibliques universitaires. Béranger aimait être entouré de ses amis, il aimait l'interaction et donc il voulait aussi partager sa foi au milieu des étudiants, avec les gens autour de lui. Il y a tant de choses à dire sur Béranger, mais s'il voudrait qu'on dise une chose sur lui, je pense qu'il voudrait qu'on témoigne de sa foi, qu'il a connu, Jésus-Christ dans sa vie, qu'il a su que Jésus-Christ l'aimait et qu'il a pris sa place. Et Il a compris qu'en lui et que grâce à lui, Dieu lui offrait la vie éternelle. Aujourd'hui, je sais et nous savons tous qu'il est auprès de Dieu. Mais c'est vrai que c'est un choc, ça a été un choc pour moi et pour beaucoup d'entre nous. Mais pour moi personnellement, et je pense pour beaucoup d'autres gens ici, il a été une vraie source d'encouragement et d'inspiration par sa joie. Comme Pierre vient de le dire, il avait une joie lumineuse qui témoignait aussi de sa foi. Je vous remercie. Une chose remarquable avec Béranger, c'est qu'il était apprécié dans tous les endroits où il se trouvait. Et nous avons l'honneur et la joie d'avoir avec nous, le directeur du département ACL de la fac de lettres avec le directeur adjoint. Et M. Geffroy a accepté de nous dire un peu ce qu'il pensait de notre cher Béranger. C'est aussi le directeur de thèse qui avait travaillé avec Julien Bambi, pour ceux qui le connaissent, le papa de Bénédicte. Bienvenue. Je suis gêné de pouvoir avoir la parole. Pourtant, j'ai l'habitude de parler. La jeunesse et la vie ont en commun de ne pas avoir de frontières. Et la jeunesse et la vie sont comme la musique. Elles fondent ce qui, dans le monde entier, est l'essence même de notre humanité. Tous ensemble, à travers la jeunesse et la vie, nous pouvons traverser le temps, l'espace, et nous rencontrer. Seulement, soudain, la mort vient. Et c'est le seul moment où, alors que nous sommes tous ensemble, un être devient un soliste. Nous sommes désignés à ce moment-là comme des solistes, dont la mission est d'interpréter cette musique du monde, de la jeunesse et de la vie. Quand on rentre dans un amphithéâtre qu'il y a 350 ou 400 étudiants, quand on est prof, on regarde. Béranger faisait partie de ces étudiants qui, au fil des enseignements, à un moment donné, pendant le cours, témoignait dans son regard d'une demande de comprendre, de savoir, de connaître. Mais je peux vous dire une chose, je n'ai pas connu beaucoup d'étudiants qui, au moment où ils demandaient, soit sans rien dire, soit en parlant, étaient capables d'autant donner. Freedom is coming. Avec la disparition de Béranger, c'est approprié de ressentir un mélange d'émotions. Certaines de ces émotions peuvent sembler contradictoires. Mon fils s'appelle Justin. On va essayer d'afficher une photo de lui avec Béranger dans un instant. Mon fils est là avec Béranger. Il a 8 ans. Il s'appelle Justin. Il connaissait Béranger et ils ont joué ensemble souvent. L'émotion que Justin expérimente le plus souvent par rapport à la mort de Béranger est la colère. Il est fâché parce qu'il le trouve injuste que Béranger nous soit ôté. Justin n'est pas le seul à ressentir cette colère. L'autre jour, je lui ai parlé des différentes émotions que nous pouvons ressentir après la mort de Béranger. Je lui ai dit que nous avons au moins 2 bonnes raisons d'être tristes ou d'être fâchés. Premièrement, Béranger nous a été tellement cher. Et alors, il nous manque tellement. Deuxièmement, la mort est un ennemi. Et nous savons que tout n'est pas bien dans ce monde quand quelqu'un comme Béranger meurt. Vous avez peut-être d'autres bonnes raisons encore pour votre tristesse ou votre colère. J'ai ensuite dit à Justin, mon fils, qu'avec Béranger, nous avons aussi de bonnes raisons d'être joyeux. Béranger s'était tourné vers Dieu pour recevoir la nouvelle vie que Dieu nous offre tous en la personne de Jésus-Christ. Oui, Béranger était chrétien, mais bien plus. Jésus-Christ était le centre des affections de Béranger. Nous l'avons constaté dans sa joie et dans son amour pour nous. Quand quelqu'un vit comme Béranger avec Jésus au centre, la mort est un gain. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Philippiens depuis une prison et il croyait quand il écrivait cette lettre qu'il arrivait peut-être à la fin de sa vie sur terre. Dans sa lettre aux Philippiens, il pèse les avantages de rester dans cette vie par rapport aux avantages de quitter cette vie. Il dit au verset 23 du premier chapitre, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. » Mais il pense qu'il est bien aussi de rester dans cette vie pour servir d'autres. Pour l'apôtre Paul, s'il restait dans cette vie ou s'il partait, il savait qu'il marcherait toujours avec Jésus-Christ. Dans notre programme, on a imprimé le chapitre 21 du premier chapitre de cette lettre où l'apôtre Paul dit « Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Pourquoi la mort serait-il un gain? Parce qu'à sa mort, quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ entre en repos avec Jésus-Christ. Et là, il attend la résurrection de son corps pour l'éternité. Béranger marchait avec Jésus. C'était évident pour ceux qui avaient des yeux pour voir. Béranger est maintenant en repos avec Jésus. Et Béranger attend la résurrection de son corps pour l'éternité. Dans notre tristesse, tellement appropriée, dans notre colère, nous avons aussi un énorme sujet de joie. C'est clair pour quelqu'un comme Béranger que pour lui, Christ était sa vie. Et nous pouvons même dire que pour lui, la mort est un gain. Freedom is coming. Bonsoir. Si je vous montre ces photos, je pense que vous en avez déjà vu beaucoup de photos de Béranger. Ça, là, il était à Paris. Là, c'était l'anniversaire de son ami qui s'appelle Eddie, je pense que vous le connaissez. Ce qui m'a impressionné concernant son départ, là, il était chez son frère Christophe qui est à côté, en Suède. Donc pour les photos, je vais peut-être arrêter de faire des commentaires, vous allez les voir. C'est qu'il avait, à mon sens, je veux dire, une mission qu'il devrait accomplir, de dire au revoir à ses amis. Parce que moi, il est venu chez moi mercredi, nous avons discuté, il était pressé pour aller faire autre chose, pour se préparer. Quand je le parlais, je vois que ce n'était pas comme d'habitude. Parce que d'habitude, quand il s'en va, il me dit, je t'appelle demain pour te dire quand je reviens. Ce jour-là, on n'a pas fini de discuter ce qu'on devrait dire. Mais il ne m'a pas dit « je t'appellerai », ni à plus. Il a fait comme ça dans l'ascenseur. Je n'ai même pas eu l'occasion de l'accompagner comme d'habitude. Mais ce qui m'a impressionné aussi, c'est que cet homme, moi quand je l'ai connu, avant je pensais connaître un enfant de 20 ans. Moi j'ai 26 ans. Moi j'avais l'impression de faire face à un homme de 30 ans. Il était très mûr. Il était un homme à qui on peut faire confiance. Là, si on revient sur les photos, je vous disais qu'il avait vu presque tout le monde. Il était à Paris pour voir les amis qui viennent du Burundi. C'est toujours à Paris. Mais les photos qui vont venir, c'est les photos de 5 minutes avant sa mort. Parce que quand ils sont partis, les photos, ils vont venir bientôt. Quand ils sont partis, moi, j'étais au travail, je travaille quelques fois la nuit. D'habitude, Ils m'avaient dit qu'ils allaient aller quelque part dans des concerts. Ils sont partis. Je ne les ai pas appelés pour demander comment ça se passe parce que je pense que de toute façon, avec lui, je ne peux pas me dire voilà, il va faire des bêtises parce que c'était la fête de la musique. Et comme c'était un homme de taille, avec un cerveau vraiment qui est un don de Dieu, moi je me suis dit, cet homme, il restera avec nous et pour l'éternité, mais apparemment non. Là maintenant, ils ont pris la voiture vers Saint-Raphaël. Je me disais, quand je regardais les photos, je me dis, qu'est-ce que veut dire ce sourire? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans sa tête? Là maintenant, à mon sens, il était prêt pour aller la rencontrer Dieu parce que c'était un homme de Dieu. Là, je pense que le monde n'a pas... Tout le monde n'était pas là, mais je pense que c'est un au revoir qui nous a laissé sur les photos. Heureusement que Dieu a créé des cerveaux pour la technologie. Ça, il était avec ses amis toujours avant de descendre dans l'eau. Et ça aussi, c'est pareil. Ah, vous m'excusez. Il était avec son ami Landry, qui était toujours avec lui. Mais quelques secondes avant, ça c'est un au revoir. Je ne sais pas ce qui a inspiré Landry à dire comme ça, mais la suite, je ne vous le dirai pas, c'est qu'on ne verra plus Béranger de ce monde. J'ai pensé ce qu'on peut dire, mais c'est qu'il y a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour faire toutes les choses qu'on veut. Mais si j'ai marqué qu'il y a le temps pour mourir, c'est pas pour vous dire que Béranger est mort. À mon sens, Béranger se repose parce que c'était un homme de Dieu. Béranger, vous qui croyez, qui croit en Dieu, soyez sûrs, si vous restez dans la parole de Dieu, on le verra. Cet homme m'a laissé un souvenir, c'est qu'il ne faut pas penser que tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, qu'on peut le faire demain. Tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, faites-le. Et surtout, soyez prêts. Moi, je viens du Rwanda, lui, il vient du Burundi. Mais quand je l'ai rencontré, je pensais avoir rencontré mon frère, plus que mes cousins, à moi et mes frères. Et en ce moment, je peux vous dire une chose. Dans moi, il a laissé un trou dans mon cœur. Je pense que personne de ce monde pourra combler ce vide. Merci. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gloria. Béranger était un petit frère, un ami et ma famille ici en France. Avant, on avait en CM2, en CM1, en CM2, on était dans la même classe et après le secondaire, on s'est séparés. Et puis avant de venir, comme tous les autres, on a dit au revoir à tout le monde, au revoir à la famille. Et là, en disant au revoir, on s'est retrouvés ensemble et on a dit « Où est-ce que tu vas ? Moi, je vais à Nice. Et toi, où est-ce que tu vas ? Moi, je vais à Nice. » Et là, on s'est retrouvés. Et quand on s'est retrouvés, moi, j'avais ma famille d'accueil, mais lui, il n'avait pas où il devait loger en arrivant ici. Donc, je suis venue avant lui et j'ai cherché une maison pour lui. Lui, il est allé en Belgique d'abord et moi, j'ai cherché une maison pour lui. Et quand il est arrivé, moi aussi, comme j'habitais à Cannes, j'ai trouvé un studio tout près de lui, de sa chambre. Et là, on a habité, on a décidé de partir dans un appartement avec Landré. Et comme je vous disais, c'était un frère, c'était ma famille. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que moi, je suis catholique et lui, il est protestant. D'habitude, on se dispute et on se dit, on n'a pas la même foi et après, on se dit, toi, on n'est pas de la même religion, donc on se sépare, on n'a pas la même foi. Mais chaque soir, avant d'aller dormir, on partageait tout. On partageait ce qu'on avait vécu le matin et l'après-midi, comme on était presque tous les jours ensemble. Et on partageait cette parole qui nous avait sauvés, nous tous. Et maintenant, avant de partir, il me disait tous les jours, chaque nuit, « Gloria, j'ai besoin d'être aimée. » Et moi, je me retournais, je lui disais, « Mais Béranger, moi, je suis ta sœur. Pourquoi peux-tu dire que tu n'es pas aimé alors que moi je t'aime comme une sœur, comme un frère? T'es ma famille pour moi, donc il ne faut pas dire que je ne t'aime pas, parce que je t'aime, je peux te donner tout parce que t'es mon frère. Et là, j'avais pas compris que cette soif d'amour, c'était l'amour de Dieu. C'est maintenant, aujourd'hui, j'y ai pensé, je me suis dit, il avait soif de cet amour divin, et là, il est parti, et je crois que là où il nous regarde, il prie pour nous, et c'est très fort, parce que le Seigneur lui avait fait comprendre qu'il était temps qu'il parte. Et aussi, avant de partir, j'étais avec Landry pour faire les courses. Et là, il nous écrivait tout le temps un texto et nous disait, « Mais où êtes-vous? Venez vite, il faut qu'on parte. On parte à 15 heures. » Il nous a rappelé ça 5 fois. Pour vous dire que, en fait, il était déjà préparé. Et quand il était parti en Suède aussi, il nous a dit, je lui ai demandé, « Tu pars en Suède, c'est vrai, mais... Qu'est-ce que ton frère va te montrer? Où est-ce que vous allez visiter? » Mais lui, il m'a dit, je n'ai pas besoin de voir la ville, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une rencontre chrétienne où il y aura beaucoup de chrétiens, donc je vais partager la parole de Dieu avec les autres. Ce qui veut dire que, oui, c'est vrai, on est triste parce qu'il est parti, mais il était préparé. Il était préparé, et je me dis que nous aussi, en fait, que ça soit une leçon pour nous, parce que nous devons, nous tous, partir. Il faut toujours se préparer et chaque matin se dire qu'il est temps de partir. Et il avait voulu écrire un livre qui s'appelle « Les frères de sang », parce que notre pays a des problèmes d'ethnie. Et j'espère qu'un jour, avec Landry, on arrivera à écrire ce livre, à dire que même si on est divisé, on est des frères, les frères d'un même Père qui est au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Ta joie et ta paix. Bonsoir. Excusez-moi. J'ai été toujours avec Béranger. Là où il était, partout où j'étais, je connaissais tout sur lui, il connaissait tout sur moi. On est dans le même département, on fait les mêmes options. Là où il était, j'étais là. Là où j'étais, il était là. Même à la dernière seconde de sa vie, j'étais là. Excusez-moi, mais je vais vous dire une chose, juste un peu de mots. Dans la vie, j'ai jamais connu un ami comme Béranger. On habitait ensemble. Et chaque fois, avant de faire quoi que ce soit, il devait me consulter. Il m'a dit, Landry, est-ce que je peux faire ça? Et je lui disais, des fois j'étais un peu dur avec lui parce que je me considérais comme le responsable parce que c'était moi qui étais plus âgé que lui. Des fois je lui disais non et il m'obéissait. Et je sais pas quoi dire, mais je sais pas. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Sébastien Lienard. Donc, c'est moi qui ai emmené Landry, Béranger, Eddy et, à Saint-Raphaël. Donc, j'ai rencontré Béranger pour la première fois ici, à Calvary Chapel. Il était accompagné de son frère en Christ, Landry. Et très, très vite, nous avons sympathisé. Donc, Béranger allait souvent d'une personne à une autre et partageait avec tout le monde. Il avait soif de connaître des nouvelles personnes et son choix universitaire collait parfaitement à ses qualités de communication et de sociabilité. Il avait également d'autres qualités que j'appréciais beaucoup. Il était très calme, il était doux, il était constant et il était très paisible. Je me souviens, lorsque Béranger et Landry sont venus à la fac de droit et que je leur ai présenté la bibliothèque, où ils avaient emprunté des livres qui les avaient aidés dans leur fin d'année scolaire. Et je me réjouissais déjà de lui montrer les endroits où j'avais passé mon enfance. Ce que m'enseigne la mort tragique de Béranger, c'est qu'il faut toujours vivre au présent, car nul ne sait l'heure et le lieu où Dieu viendra nous chercher. Il faut être des compétiteurs pour faire le bien dès aujourd'hui, chercher à être des champions comme Paul le dit dans ses épîtres, chercher à avoir la médaille d'or dans le 100 mètres de la vie. Demain paraît si innocent, mais cela peut être le mot le plus dangereux de la vie. Demain je ferai des bonnes œuvres, demain je lirai les paroles du Christ, demain je me repentirai. Et ce soir, même si je suis très triste pour la famille de Béranger, et tous ceux dans la vie duquel il va créer un vide, au fond de moi, je suis heureux qu'il ait pu faire son choix à temps, celui du Père, de Dieu et celui du Christ, son Fils. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au jugement. Nous pouvons également citer le psaume 139, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'entre eux existât. J'aurais aimé que l'amitié qui nous unissait puisse continuer de grandir. Béranger restera toujours présent dans mes pensées. Je te célèbre de tout mon cœur et je te dis, tu vas nous manquer. Ouais, j'avais plus ou moins le privilège de passer les dernières heures avec Béranger. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire maintenant, mais ouais, c'était toujours Ouais, un bon ami est tout, mais quand la volonté de Dieu vient, on ne peut rien faire. Et là, quand on était dans la mer, là, c'était une puissance incroyable. Avant, c'était calme et tout, mais là, c'était... Je me suis dit toujours, s'il y a quelqu'un en danger dans la mer ou c'est pas, moi, je peux nager et je vais le sauver. Mais là, on était à trois, on n'a pas réussi. Et ça, c'était son jour et c'était que Dieu qui a l'amené. Mais il y a un passage dans la Bible qui me calme là. Et c'était aussi le but de la vie de Béranger. C'était, ouais, c'est dans le premier, donc 1 Corinthiens 9, versets 24 jusqu'à 25. Je vais lire ça. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui se fanera jamais. Et voilà. Et maintenant, le prix de Béranger, c'est d'être à côté de Jésus. Et je suis sûr que c'est mieux comme sur cette terre ici. Et ouais, on avait aussi chaque mardi matin à 6 heures, une réunion de prière et c'était toujours incroyable qu'il était toujours là. Et la dernière réunion, on a parlé d'un Pierre et je vais lire cette parole aussi. Pardon, 2 Pierre 1, verset 18. Et là, Pierre dit ça, donc c'est une parole de Dieu. C'est lui-ci, c'est mon fils bien-aimé en qui il met toute ma joie. En fait, c'est Dieu qui dit ça à Jésus, mais pour Béranger, c'était une réalité. Donc il se sentit comme Jésus là. Et pour lui, Jésus, c'était pas quelqu'un, c'était sa vie. Et j'ai continué ces paroles-là. Et je me suis arrêté au verset 10 de chapitre 3. Et là, il y a des paroles. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Et là, quand je lis ces paroles-là, j'ai découvert pour moi qu'il y a aussi un jour qui vient aussi vite, et c'est le jour de la mort. Et là, on ne peut rien faire. Mais la différence entre les deux jours-là, quand le jour de la mort vient pour nous, pour n'importe qui, ça peut être un avertissement pour les autres. Et là, on peut se rappeler quel chemin il faut prendre et tout. Mais quand le jour de retour vient de Jésus, ça sera trop tard pour tous les autres et il n'y aura plus un avertissement. Et je sais que Béranger, il était prêt pour 100 jours-là. et aussi pour le jour de retour de notre Seigneur. J'espère que tu pourras être ça aussi. Merci. Je vais lire un verset du second épître de Pierre, chapitre 1, verset 12. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels. Car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Merci Ludovic d'avoir lu ce passage. Effectivement, c'était comme l'a rappelé Eddy, nous nous réunissions chaque mardi matin aux aurores pour un temps de méditation sur un passage biblique, un temps de prière. Et c'est vrai que Béranger, tout comme son cher ami Landry, était régulier. Ils étaient toujours là. Et ça, c'est un encouragement, et c'est une chose rare de nos jours de voir des jeunes qui, lorsqu'ils s'engagent, suivent leurs engagements. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais justement, en lisant ce passage que Ludovic vient de nous lire et qui se trouve dans le programme, nous avions commenté cette parole de l'apôtre Paul qui disait que le Seigneur lui avait fait connaître que son départ de cette tente, parlant de son corps, était imminent. Et nous lisons le passage à tour de rôle, un verset à tour de rôle, et je ne suis pas sûr que c'est lui qui l'ait lu ce matin-là, mais avec le recul, moins de 60 heures après avoir lu ce passage, Béranger n'était plus parmi nous. Nous avons parlé de la brièveté de la vie. Et comme l'a rappelé Scott, lorsque nous sommes frappés par la mort d'un être cher, il y a des questions, il y a des fois de la révolte. La révolte, dans le cas de Béranger, c'est « mais pourquoi tant de dons, tant de vie, tant de joie, pourquoi éteindre ça ?» Je crois que Dieu nous laisse le temps de progresser dans nos relations avec lui, avec Dieu et avec les autres. Et comme nous le voyons à travers tous les témoignages, il semble que Béranger était bien en avance. Il avait des relations formidables avec tout le monde. Il parlait aux gens pendant un quart d'heure et les gens avaient l'impression qu'il était leur plus cher ami, leur plus cher ami. Il s'intéressait aux autres. Il avait le don de poser des questions et quelque part on pourrait dire qu'il était prêt pour l'éternité. Pour nous, pour beaucoup d'entre nous, je me mets dedans, j'ai tant de choses à changer dans ma vie pour que Dieu puisse m'utiliser. Il était déjà utilisé. Il avait aussi le souci, non ma grande, le souci d'être utilisé par Dieu, c'est peut-être un peu anachronique pour certains, mais il avait cette foi vivante qui faisait que dans sa vie, la présence de Dieu était une réalité. Et son souhait, c'était d'être utilisé pour annoncer l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il se passionnait pour ses études, il envisageait de faire des études de journaliste. Il avait à soif de se former dans l'étude de la Bible. Et quelque part, on s'est dit, quel gâchis. Il aurait pu être utilisé par Dieu, mais je crois que Dieu peut l'utiliser dans nos vies, maintenant. Le fait que nous soyons là tous bouleversés, tous présents, tous à l'écoute, peut-être que Dieu va utiliser cette fin tragique pour réaliser le souhait de Béranger de pouvoir être utilisé par Dieu pour annoncer la réalité de son amour dans la vie des hommes. L'apôtre Paul continue en disant, verset 15, qu'il répétait ces choses à ceux qui lisaient ses lettres pour qu'ils n'oublient pas. Et surtout, le verset 16, il expliquait que ce n'étaient pas des fables habilement conçues qu'il avait utilisées pour faire connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il l'avait vu, sa majesté, de ses propres yeux. Il faisait référence à cet épisode bien connu dans les évangiles où Jésus s'est retrouvé avec ses disciples, Pierre et Jean, sur la montagne de la Transfiguration. Et là, il a rencontré Jésus-Christ dans sa gloire. Les vêtements de Jésus ont brillé d'une lumière irréelle. Et Pierre pouvait témoigner avec puissance parce qu'il avait vu ça de ses propres yeux. Pierre se souvient que dans ce désir d'agir, il avait proposé de construire 3 autels, un pour Élie, un pour Moïse et un pour Jésus. Mais il avait été rappelé à l'ordre par le Père qui lui avait dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, l'objet de mon affection. » Et comme le rappelait Eddie, Béranger nous avait dit « En fait, ce verset, je le prends pour moi. » Il avait cette confiance que Dieu l'aimait. Est-ce que vous avez cette confiance que Dieu vous aime? Même si vous ne l'avez jamais reconnu dans votre vie, est-ce que quelque part, vous n'avez pas ce sentiment, cet appel, qu'il y a une réalité qui nous dépasse et que Dieu est réel et que, chose incroyable, il nous aime, il a de bons plans pour notre vie, il veut nous sauver. Notre vie, tous nous pouvons le reconnaître, est caractérisée par des problèmes. Nous avons du mal à faire ce qui est bien, nous avons des facilités à faire ce qui est mal. La Bible appelle ça le péché, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ça peut être des actes, ça peut être des omissions, ça peut être des pensées. Et Dieu, qui est parfaitement juste, qui est parfaitement saint, ne peut pas tolérer ce péché. Dieu doit punir le péché. Nous avons le sentiment que si Dieu doit punir le péché, il va punir les hommes qui sont des pécheurs. Mais c'est là que la Bible nous révèle le plan incroyable de Dieu. Dieu va punir le péché en aimant le pécheur. Dieu va faire tomber sa colère sur le péché de tous les hommes, sur la personne de Christ à la croix, et le sacrifice va être accepté. La résurrection, la puissance de la résurrection de Dieu est à l'œuvre et Jésus est maintenant vivant. Il est vivant, il est au milieu de nous. Nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques, mais nous pouvons le voir avec les yeux du cœur. Nous pouvions le voir dans la joie lumineuse de Béranger. Et donc, la Bible nous annonce que si nous mettons notre foi dans ce sacrifice d'amour, si nous croyons à ce que la Bible nous annonce, alors Dieu nous pardonne nos péchés, il nous accepte dans sa famille et nous pouvons vivre pour l'éternité, comme j'en suis convaincu, Béranger va le faire, en la présence de Dieu. Pour le chrétien, pour celui qui a la foi, ce n'est qu'un au revoir. Une chose qui est rappelée aussi dans ce passage, c'est que la Bible n'est pas une collection de fables. On peut la mettre en doute, mais si honnêtement on la considère comme un écrit extraordinaire, si on s'intéresse de près, c'est comme ça que j'ai commencé ma démarche de chrétien, c'est de considérer les vérités annoncées par la Bible et en quoi la Bible est digne d'intérêt, pour commencer. Et suite à ça, l'Esprit Saint, la parole, nous convainc de la réalité de cet amour de Dieu que Béranger voulait partager avec tous ceux qui l'approchaient. Je vous remercie de votre attention. Nous allons demander maintenant à Christophe, je sais que c'est très douloureux pour la famille, j'espère que ces témoignages d'amitié, d'amour, d'estime de tant de monde sont un encouragement. Je vais demander à Christophe s'il veut bien nous partager quelques mots, s'il te plaît. Nous allons ensuite commencer une collecte. Cette collecte, ce sera pour remettre à la famille en contribution des frais de rapatriement de Béranger au Burundi et aussi pour fleurir les obsèques de Béranger à Bujumbura au Burundi. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Christophe. Je suis le frère de Béranger, son grand frère. Ça fait mal de perdre un frère, mais des fois, ça fait aussi du bien. Quand on sait vraiment très bien qu'il a accepté Jésus-Christ comme sauveur. Au fait, Béranger, on a été sauvés le même jour. C'était le 24 avril 2002. Et puis, on a été baptisés le même jour. Quand on a été baptisé, il est devenu plus qu'un frère. Il est devenu un ami, un frère en Jésus-Christ. Il y a des fois où des gens demandaient pourquoi on aimait s'asseoir ensemble à l'église. Moi, je leur disais que il est frère, mais il est aussi ami. Béranger était mon frère, mais il était aussi mon ami. Ce qui me fait du bien dans tout ça, c'est que je sais là où il est maintenant. Il est à côté de notre Sauveur Jésus-Christ. Il est à côté de Dieu le Père. Ça, j'en suis sûr. On a fait deux semaines avec avant sa mort. Pendant les deux semaines, j'ai encore appris de nouvelles choses de Dieu. Parce que il nous a laissé un message. Le message disait que il faut pas chercher de vivre dans la satisfaction, mais il faut la vivre parce que Jésus-Christ nous a déjà sanctifiés. Parce qu'il y a des gens qui sont sauvés, qui cherchent à être sanctifiés, alors qu'ils sont déjà sanctifiés. Au fait, quand j'ai fait ce qu'on appelle le feedback, je me suis dit que c'est un bon message, un bon dernier message. Ça m'a appris de revoir ma chrétienté, de vivre au jour la satisfaction. Au fait, parmi nous ce soir, il y a beaucoup de monde. Peut-être il y a des gens sauvés, il y en a qui ne sont pas sauvés. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Jésus-Christ nous aime tous, mais il y aura un temps où il y aura, comment dire, quand quelqu'un va dans son champ, il cultive, mais il y a un jour où il doit récolter. Et quand Jésus-Christ va venir pour récolter, je crois qu'il va récolter les bons fruits. Au fait, mon message, c'est pour appeler les gens à chercher à être dans les bons fruits que Jésus-Christ va récolter. Je vous remercie. Vous pouvez commencer la collecte pendant que Tonio va venir chanter. Thank you. Seigneur, nous t'appartenons. Seigneur Béranger, t'appartenais. Béranger t'appartient. Nous te remercions pour lui. Seigneur, aide-nous par ton amour de marcher avec toi. Rappelle-nous ton amour pour toi pour que nous puissions être assurés que tu marches avec nous, que tu nous poursuis par ton amour, que tu peux être notre ami bien plus proche que Béranger ait été un ami pour tant de personnes. Fais en sorte que nous puissions continuer à te rendre gloire avec notre mémoire, avec nos souvenirs de Béranger, pour que nous puissions vivre comme il a vécu, en connaissant ton amour et en partageant l'amour que nous avons toi avec d'autres. Merci pour lui. Merci pour ton amour. Je prie au nom de Jésus. Amen. Merci à tous d'avoir été aussi patients. Nous vous remercions de votre présence ce soir en témoignage d'amitié et d'amour pour Béranger. Nous vous invitons, si vous avez le temps, à passer un peu de temps. Il y a des rafraîchissements et si vous voulez saluer les membres de la famille, il y a aussi des cartes à signer et Gloria a quelque chose à annoncer. Il y a aussi un carnet pour la famille, si vous pouvez écrire un mot pour les parents, ceux qui n'ont pas encore écrit, parce que je crois que ça circule. Ça serait gentil de votre part. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.